Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Étienne, qui a accepté de venir nous parler de presque tout et surtout de tout ce qu'il voudra. Bonjour Jean-Louis Étienne. Bonjour Étienne. C'est pas la peine que je vous présente, tout le monde vous connaît, notamment parce que vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. C'était en 1986. Oui, il y a 30 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et vous avez réalisé depuis de nombreuses autres expéditions, notamment la Transantarctica. C'était 2 années plus tard. Oui, 89-90. Et vous êtes de ces gens qui ne font pas de voyages, mais qui sont faits par les voyages, y compris par les voyages immobiles. Et vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « Inventer sa vie », titre qui est pour moi très énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire « inventer sa vie » ? Et on va parler donc de tous les sujets qui vous intéressent. Je vais commencer par vous demander votre opinion sur le burkini. J'ai découvert récemment, comme tout le monde, le burkini. Je savais pas ce que c'était. Pour un type qui va au pôle, ça doit être bizarre. Oui, mais c'est mieux adapté. Je dirais, si vous voyez les tenues que portait Scott... ça a quelque chose comme ça, c'est des longues anoraks en fait qui englobent la tête jusqu'au genou. Ça me paraît plus adapté. Donc pour ce sont les expéditions polaires qui ont inspiré ces vêtements. Inspiré, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des femmes inspirées, qu'il y avait des modistes, des femmes de la mode qui ont lancé. C'est un énorme marché. Hein. Bon, j'ai découvert en lisant votre livre que ce que j'aurais dû savoir avant, c'est qu'on ne peut pas prendre rendez-vous sur la banquise. On ne peut pas prendre rendez-vous sur la banquise au pôle Nord. Parce qu'en fait, la banquise dérive. La banquise, donc, c'est une couche de glace qui fait, ou qui faisait, 1,80 m, 2 m d'épaisseur, et qui aujourd'hui s'amenuise avec le réchauffement climatique. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Et c'est cette couche de glace, qu'on appelle la banquise, qui bouge sans arrêt. Il y a un courant transpolaire qui part du détroit de Bering, il vient vers le pôle Nord. Et toute la banquise vient s'écraser au nord du Groenland et du Canada. Et ça peut faire des fois 4, 5, 10, 10 kilomètres par jour. Donc il est évident que si on se dit, Étienne, on va se retrouver au pôle Nord et on va faire une émission au pôle Nord, une émission qui va durer une heure, il va falloir marcher. S'il y a du vent, peut-être 1 ou 2 kilomètres. J'espère que la technique suivra. Bon, et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que cette révélation que vous faites, on ne peut pas prendre rendez-vous sur la banquise, vous la dites dans un chapitre qui s'appelle l'amitié. Ah oui, ouais. Alors quel rapport ? Quel rapport ? Quand je suis allé au pôle Nord, donc je marche sur cette banquise qui dérive, c'est 1986, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, Iridium, donc... Comment vous vous repérez ? Moi, j'avais une balise Argos. La balise Argos est un petit boîtier qui émet un signal... qui est capté en France au centre spatial à Toulouse. Et on interroge le terminal, et donc avec un ordinateur, et on a la position. Moi, je n'avais pas d'ordinateur, bien sûr. C'est Michel Franco qui était à Resolute Bay, c'est au nord du Canada, qui interrogeait le terminal. Et donc, il avait ma position. Et tous les soirs, il me donnait ma position par radio. Radio HF, donc une petite radio de 20 watts avec des batteries qui étaient à moins 40, c'est pas une efficacité énorme. Et donc il me donnait ma position, lui il était isolé, il avait une radio plus puissante. Moi je le recevais, et il me donnait ma position et je lui disais bien compris. Mais on avait un code entre nous. Je lui disais Michel, bien compris, bien compris, bien compris. Je le disais 3 fois assez fort et il me disait le potentiomètre a bougé 3 fois. Je sais que tu m'as reçu. Donc, c'était une conversation très faible. Donc, et n'indiquez pas où vous deviez aller le lendemain. Alors, ça, c'est alors la direction. Donc, j'avais ma position. La direction, c'était le soleil. Le soleil, on peut s'y fier. Il est au même endroit, à la même heure, quand on est en heure solaire locale. 6 heures du matin, il est plein est. Midi, il est plein sud. 18 heures, plein ouest. Et minuit, plein nord. Donc, j'avais une montre qui fait un seul tour en 24 heures. Donc, qui suit, en fait, le soleil. Et quand je mets la direction de... l'aiguille des heures vers le soleil, le nord du cadran, le haut du cadran me donne le nord. Donc j'avais le soleil. Vous dirigez à la montre. À la montre. Et enfin, une montre spéciale qui fait un tour. Qui fait un tour. Et donc je me calais par rapport au soleil. Il fallait que j'aie un minimum de visibilité de l'astre solaire à travers les nuages pour savoir la direction que je devais prendre. Et donc c'est sur une banquise qui dérive, comme on a dit, c'est difficile d'organiser un rendez-vous. Et je marchais tous les jours et un soir à 18h, je faisais ma sieste Tous les jours, je faisais une sieste. Je marchais de 8h du matin à 16h. 8h d'affilée sans arrêt, puis je m'arrêtais, je montais la tente, je m'endormais un petit peu. Et là, j'ai entendu un bruit aigu, des bruits comme ça. Et ce que je craignais, c'était l'ours. J'avais pas d'arme, en plus, j'avais fait le choix de ne pas prendre d'arme. Et tout d'un coup, je me suis dit, merde, un ours. Et ça a duré peut-être une demi-seconde, une seconde, je ne sais pas, le temps de réaliser. Mais non, ce n'est pas d'un ours, c'est des chiens. J'avais entendu parler qu'une expédition américaine, qui n'était pas partie du même endroit que moi, se dirigeait vers le pôle. Donc je suis sorti, et la banquise, ce n'est pas une patinoire, c'est très chaotique. La banquise, quand elle dérive, elle se casse. Il y a une tectonique de la glace, quoi. Ça fait des murs de glace. Et donc j'escalade le mur de glace derrière lequel je m'étais mis un peu à l'abri. Et je vois passer une caravane. Une caravane avec 5 attelages de chiens, et c'était l'expédition américaine. Et le type qui était devant, c'était Will Steger, le chef d'expédition. Lui, il a vu un mec sortir de la glace brutalement. Mais il était tout seul avec ses chiens. Eux, ils étaient 6. Ils étaient 6. Et donc, il s'est dirigé vers moi. Donc, il savait que j'étais en route vers le pôle Nord, etc. On a passé quelques secondes ensemble. Il est venu sous ma tente. Il m'a dit... Tu es tout seul, il m'a dit, quelle chance. voilà, donc il avait une équipe de chiens et 6 personnes. Vous connaissez, enfin, vous... Non, on se connaissait pas. On s'était jamais rencontrés. Jamais rencontrés. Et Will me dit, lui il était à l'heure de Washington, enfin non, à l'heure du Minnesota, moi j'étais à l'heure de Washington. Bref, on n'avait pas le même fuseau horaire. C'était pas l'heure de la sieste pour lui. Non, vous choisissez, quand il fait jour tout le temps, vous choisissez votre fuseau horaire. Et il m'a dit, suis mes traces demain, et puis on boira un café. Donc j'ai suivi, on a discuté un petit peu. Et Will m'a dit, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait organiser après une expédition au pôle sud, à l'Antarctique? J'ai dit, écoute Will, on termine le boulot au nord et on se retrouve après. Il était moins fatigué que vous, il était tiré par des chiens. La charge était tirée par des chiens. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Will, cette rencontre improbable. C'était absolument impossible à organiser, à sceller quelque chose dans le silence. Et vous êtes devenus amis pour la vie? On est devenus amis pour la vie. Alors, j'étais dans le Minnesota il n'y a pas très longtemps, et la personne qui s'occupe un peu de son business depuis qu'on s'est rencontrés, c'est un petit business, et elle me dit, qu'est-ce que vous avez dit avec Will? On était revenus du nord du Minnesota à la frontière canadienne jusqu'à Saint-Paul, à Minneapolis. Ça dure 4 ou 5 heures. Et elle me dit, qu'est-ce que vous êtes dit avec Will? Et tout d'un coup, je lui dis, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas dit grand-chose. Et en fait, c'est mon anglais est suffisant pour qu'on puisse discuter. Et je me suis dit, mais on n'a pas besoin de parler. Et en fait, il m'a écrit un petit mot un jour, comme ça, je l'ai retrouvé. Tu es la seule personne qui me comprend. On a des vies assez marginales, on va dire quand même. Ensemble, cette rencontre improbable a créé une amitié. C'est un confort, l'amitié. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se parler. Ou si on veut parler, on a cette liberté. Vous citez Jean-Louis Etienne, un philosophe dont j'ai oublié le nom. C'est peut-être Aristote qui dit « Un ami est une seule âme qui habite deux corps ». Non, c'est celui qui est Diogène. Ah, c'est Diogène. Diogène qui vivait dans son tonneau. C'est génial, ça. Hein. Et vous l'avez éprouvé avec Will. Éprouvé avec Will. Et vous êtes parti avec une lui. Âme qui a... Ce projet qu'il vous a proposé ce jour-là. On l'a fait. Vous l'avez fait. Il m'a appelé un jour, il m'a dit « Viens dans le Minnesota, on en discutera ». Donc c'est la Transantarctica. Transantarctica. C'est né dans... Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu cette rencontre hasardeuse? Ça n'aurait pas existé. Non. Et donc, c'est des balisages comme ça de la vie qui sont assez inattendus. Et si on est disposé à les exploiter ou les faire vivre, effectivement, ça mène des chemins, faire ces chemins des expéditions que j'aime bien, et ça a conforté mon... À ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est ça ma vie, en fait, quoi. Les amitiés ont joué un rôle énorme dans votre parcours, là, notamment celle avec Éric Tabarly. Alors, Éric Tabarly... ça, je l'ai rencontré. Amitié, c'est difficile d'exprimer ce mot avec Éric Tabarly, mais une connivence. Je l'ai fréquenté pendant un an. Il avait sa couchette à côté de la mienne dans Penduxis. Et j'ai rencontré Éric en rentrant de Patagonie. J'avais été grimpé dans le secteur du Fitzroy. Et en rentrant, j'étais médecin déjà. J'avais fait un peu de chirurgie. J'avais envie de proposer mes services pour faire une course au large, pour naviguer. Allier le voyage et la médecine. Oui, le voyage et la médecine. Et donc, on a échangé avec Éric. C'était vraiment une rencontre pareille, la même style de rencontre improbable. C'était à l'aéroport à Rio, où je faisais une escale. Et je vois cet homme-là que je ne connaissais pas. Mais assez vite, j'ai compris, ce t-shirt qui lui moulait le thorax bien musclé. Il était en tongs et short court. Et donc je suis allé le voir. Et donc il avait l'habitude de se protéger un peu. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je suis alpiniste. Et ça, tout d'un coup, ça a éveillé sa curiosité. Il m'a dit, alpiniste, je lui explique ce que je faisais, j'arrivais de Fitzroy. Et je lui dis, si vous cherchez un médecin pour la course autour du monde, il dit, je ne suis pas marin, mais je suis sportif, je serai disponible, je peux rendre des services sur le pont. Il m'a écrit un an après. Un an après? Oui. J'étais revenu à la fac, j'étais assistant à l'université de nouveau, et je reçois cette lettre que j'avais, je pensais que c'était terminé, dans ma boîte aux lettres, en rentrant de la fac, à l'université, je vois ça. Il écrivait, petit Eric, est-ce que vous voulez venir à la course autour du monde? On partira d'abord aux Marquises, puis on rejoindra la course autour du monde, machin et tout. Wow. Et donc j'avais un patron, je vais voir le patron, là, et je lui dis, il me dit, à votre place, j'irai, quoi. J'ai dit, ben, écoutez. Le patron a dit ça. Oui. Bénédiction du patron. Oui, j'irai, j'y vais. Et ça a été un tournant, ça a été la fin de mes perspectives universitaires. C'est vrai que c'est une chance d'avoir rencontré Éric Tabarly, comme c'est une chance d'avoir rencontré Will Steiger sur la banquise. Mais j'ai ce sentiment, quand on sort ses antennes d'une existence que l'on cherche, ou moins que l'on rêve, qu'on a envie, la vie fait le reste pour vous. C'est ça que vous appelez inventer sa vie, finalement. C'est ça que j'appelle inventer sa vie. C'est aller vers le chemin le plus possible des choses que l'on a envie de faire. Même des... J'ai sacrifié, c'est pas le mot, puisque je l'ai fait avec plaisir. Par exemple, j'avais une perspective... J'étais interne en chirurgie, j'étais à l'orthopédie. Moi, j'ai une formation de tourneur-fraiseur, ajusteur. On va y revenir. Donc j'avais le goût du travail manuel que je retrouve en chirurgie. J'arrête la chirurgie parce que j'avais envie de faire des expéditions. Enfin, j'arrête la chirurgie. Je pars comme médecin d'expédition et puis finalement, je trouve que cette vie-là me convient. Je suis revenu un peu à la fac, j'ai cette trajectoire qui se représente. Éric Tabarly m'écrit, j'arrête. J'ai eu comme ça des propositions politiques intéressantes aussi. Le président Mitterrand m'avait appelé un jour pour me proposer un poste à l'environnement. Je partais à l'Erebus. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur ce projet. L'Erebus, c'est un volcan qui est en Antarctique. Qui a été découvert par... Shackleton, qui est l'équipe de Shackleton, par Ross. Ross. Le premier, c'est Ross. Oui, oui. Ouais. Et après, ça a été exploré pour la première fois par l'équipe de Shackleton. Et donc, le président Mitterrand me donne rendez-vous de 18h30 à 19h. Et je ne savais pas pourquoi, mais je me doutais qu'on allait parler peut-être de politique. Et je lui dis, président, je pars à l'Erebus. Qu'est-ce que c'est l'Erebus? Donc, il me dit, là, je ne peux pas vous accompagner. Et en sortant de l'Élysée, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 43, 44 ans. Je me suis dit, c'était une reconversion, une opportunité d'exprimer quelque chose. Et en fait, je suis resté fidèle à cette envie d'expédition. Donc, inventer sa vie, c'est se donner l'opportunité de suivre les choses que l'on aime quand elles se présentent, quoi. Et ça ne vous amène pas forcément sur une trajectoire rectiligne, sauf aujourd'hui, je vais avoir 70 ans, et quand je me retourne, je me rends compte qu'en fait, que ma vie a été balisée de ces désirs que j'ai laissé faire, quoi. Et ce n'est pas terminé, d'après. On va en et non, ce n'est pas terminé. Mais à propos de la mort de Tabarly, vous avez une très très belle page. Il est mort accidentellement, il est tombé du bateau dans une eau assez froide. Ouais. Bon, vous connaissez le froid et les effets qu'il produit, et vous écrivez, en citant Aristote, il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et les marins. Est-ce que vous seriez d'accord d'ajouter ce que Aristote ne pouvait pas faire, les alpinistes? Vous parlez très bien de Lionel Terray. Oui, les alpinistes, c'est tout à fait comparable. D'ailleurs, Tabarly avait... Il aimait beaucoup la montagne. Oui, il était installé à Argentière. À Argentière, oui, il avait un appartement, la maison qui domine Argentière, là. Les alpinistes, oui, j'ai pratiqué les deux. J'ai fait la course au large, j'ai fait de l'alpinisme. C'est le même engagement intense. C'est une composition permanente avec la nature. Il y a un jeu avec la vie plus intense en montagne, bien sûr. Mais pour avoir fréquenté les deux, j'ajouterai volontiers Étienne l'alpiniste. Parce que c'est quelque chose à part. Alors quand on ne connaît pas, on a l'impression que les gens exposent leur vie. En fait, c'est une danse avec la montagne, quoi, avec la paroi. C'est un ballet, quoi, hein. C'est la recherche de l'équilibre du corps, surtout quand on va dans des difficultés de plus en plus grandes. La recherche de l'équilibre, lâcher une prise pour aller chercher l'autre sans tomber. Enfin, il y a une telle intensité, une telle concentration, en plus une confrontation avec la nature, j'ajoute volontiers l'alpiniste. Donc vous avez une passion, enfin une admiration en tout cas depuis l'adolescence pour Lionel Terray. Moi, c'était plutôt Louis Lachenal. Ils étaient complémentaires. Et ils étaient une cordée magnifique après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. dans les Jaurès, Liger, etc. Théré... avec des profils complètement différents. Oui. Théré m'a inspiré déjà par... parce que j'aimais la montagne, que je ne connaissais pas. J'ai aimé la montagne, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais jeune. J'avais 13, 14 ans, j'habitais dans le Tarn, il n'y a pas de très haute montagne. À Castres, il n'y a rien. Y a le... Oui, c'était, c'est pas ça qui m'a inspiré. Mais j'aimais la montagne. Je rapproche la montagne des pôles, en fait. Ce sont des univers intenses, des univers où, sans parler de l'escalade en paroi, où la montagne, il y a cette composante de la glace, du froid, de l'intensité avec soi. Il y a une intensité forte avec soi en montagne. Elle est pareille dans les régions polaires quand on s'engage. Et donc, j'aimais la montagne sans trop savoir ce que c'était. Je lisais Frison Roche, j'ai découvert le massif du Mont-Blanc sur des photos en lisant Premier de Cordée ou La Grande Crevasse. Et après, j'ai fait médecine et la montagne m'a rappelé comme si je me disais je vais exercer la médecine en montagne. Quoi. Et Thérèse avait fait le même parcours, la même réflexion. Il disait, je veux vivre de la montagne, je veux vivre en montagne et vivre de la montagne, mais je ne veux pas être un guide, je ne veux pas en faire une profession. Je veux y aller quand j'ai envie. Et il avait loué une maison aux Ouches, enfin une ferme. Et donc, bon, c'était un rêve un peu. Il parlait, il faisait les foins. C'était pas Lachenal, c'était qui c'est qui venait l'aider, le Marseillais, Rébuffat, de temps en temps. Et puis il décidait. Donc il avait imaginé cette vie, avoir sa ferme, être autonome. Oui, sauf qu'il avait très souvent envie d'aller en montagne. Et il avait très souvent envie d'aller en montagne, beaucoup plus que de s'occuper de la ferme. Effectivement, il a continué. Mais cette idée de marier le métier et le cadre de vie, c'était quelque chose qui m'avait inspiré. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors vous l'avez dit, Jean-Louis Étienne, vous avez une formation de tourneur-fraiseur. Comment est-ce qu'on va de cette formation qu'on pratique à la médecine ? Alors comment on entre d'abord tourneur-fraiseur ? C'est-à-dire que j'avais pas les notes pour entrer en sixième à l'école, donc j'ai passé le certificat d'études. Et après le certificat d'études, la majorité ont parté vers une formation professionnelle. Et formation professionnelle au collège technique. Et donc, je suis allé au collège technique de Mazamé, dans le Tarn. En fait, je n'avais jamais imaginé faire autre chose qu'artisan. Et j'aimais me servir de mes 10 doigts, j'aimais bricoler, j'aimais ça. Donc, et j'aimais le bois, j'aimais l'odeur du bois, l'odeur de la colle à bois. J'aimais travailler le bois. Par exemple, je voulais jouer de la guitare, j'ai construit ma guitare. Quoi. J'ai toujours pensé construire les choses. Donc aller vers une formation professionnelle, ça faisait partie d'un cursus. Il n'y avait pas de place en menuiserie, donc on m'a mis un ajustage sur métaux. J'aimais un peu moins le métal. Ça sent moins fort. Mais bon. Et là, il y a eu une bienveillance. Et un professeur de maths, Suzanne Pujol, il y a toujours quelqu'un qui vous marque à un moment donné dans une inflexion quoi, importante de la vie. Et on était quelques-uns. Elle a dit, mais ceux-là, il faut peut-être les mettre dans la classe du bac. Et donc, j'ai fait toute ma préparation de CAP de tourneur-fraiseur, les heures d'atelier. On avait 16 heures d'atelier par semaine. C'était 40 heures au lycée, quoi. Hein. J'étais pensionnaire. On était formé déjà pour entrer dans l'entreprise. Et le bac technique venait d'être créé peu de temps avant. Ça avait d'ailleurs fait une petite révolution à l'époque parce que personne ne comprenait comment est-ce qu'on pouvait être bachelier sans avoir fait du latin et du grec. Donc, le bac technique, c'était déjà une insulte au bac. Donc, j'ai bénéficié de cette création, passé le bac technique. Et puis, tout d'un coup, le bac, c'était une ouverture vers plein de choses. Et ingénieur, architecte, je ne sais pas. Et la médecine. J'avais besoin d'un engagement social, quelque chose. Et donc, j'ai fait médecine. Donc, je suis allé faire médecine à Toulouse. Chirurgie. Puis après, j'ai passé le concours d'internat. Puis, j'ai fait chirurgie. Et là, c'était une découverte. Est-ce que ça sert d'avoir une formation de tourneur-fraiseur quand on devient chirurgien ? Ça sert toute la vie et tout particulièrement le chirurgien orthopédiste. Parce que l'orthopédie, on place des vis, des broches, on fait des gorges, c'est un travail manuel. Et donc j'ai retrouvé en chirurgie orthopédique les gestes techniques. Et ce jour-là, c'était une passion la chirurgie. Ça a été une passion. Ça reste une de mes frustrations. Parce que j'ai abandonné la chirurgie sans me disant que je l'abandonnais pour partir comme médecin d'expédition. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec plusieurs passions en même temps, sachant que chacune d'elles est dévorante ? Ben en fait, si je regarde, elles sont toutes pilotées par le même désir d'expédition. J'aimais cette notion d'expédition. Quand j'avais 14 ans, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Pourquoi, à 14 ans, j'avais ce besoin ? Voilà. Et c'était, j'avais fait ma liste avec le catalogue La Hutte, hein, c'était des magasins. Et il y avait la tente Isotherme. J'étais fasciné par cette tente. Isotherme. Je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, mais on devait quand même se cailler dedans, quoi. Hein. Donc, il y avait cette notion d'expédition. On avait un magazine à la maison que l'oncle avait donné, l'Illustration. L'Illustration, c'était, on le trouve chez les antiquaires aujourd'hui. C'était du temps de, c'était le National Geographic français. La France avait un empire colossal et envoyait tous les corps de métier partout dans le monde. Et j'ai rêvé un jour de faire partie de ces caravanes ou ces bateaux qui partaient. Et donc, plusieurs passions, effectivement, qui m'ont conduit toujours. J'ai toujours été rattrapé par ce désir d'expédition. Vous intervenez beaucoup dans les lycées, Jean-Louis Etienne, pour parler de votre parcours, mais aussi de l'éducation. Et je voulais vous faire réagir à un texte que Paul Valéry a publié en 1934, qui devrait vous plaire, je pense. Ça s'appelle « Propos sur l'intelligence ». Voilà ce qu'écrit Paul Valéry. « On définit trop l'intelligence par la scolarité. L'intelligence devient alors une classe, la classe de ceux qui ont fait leurs études. Leurs études sont démontrées par les diplômes, preuves matérielles. Ce système est excellent pour la préservation et la transmission des connaissances, mais il est médiocre, sinon mauvais, pour leur accroissement. Il arrive que la preuve matérielle, le diplôme, soit beaucoup plus durable que ce qu'elle prouve, soit plus durable que le zèle, la curiosité, la vigueur mentale de celui qu'elle institue membre de la caste des lettrés. Parmi les inconvénients de ce système, il faut signaler l'ankylose de l'homme dans son attitude initiale. On me dit qu'il est possible en Amérique de changer de carrière à tout âge, de passer du libéral au manuel et réciproquement. Et génial. C'est votre vie, ça. Oui. Je ne connaissais pas. Formidable. Propos sur l'intelligence, Paul Valéry, s'est rassemblé dans un recueil. Formidable. Moi, je suis un farouche défenseur de l'intelligence manuelle, quoi. Hein. L'intelligence de la main. L'intelligence de la main. Alors, donc, de temps en temps, je dis ça, ça surprend. Mais je suis convaincu qu'un geste bien fait est le résultat d'une pensée bien ordonnée. Et en fait, le geste manuel à l'âge de 14 ans, de s'impliquer dans la création de quelque chose de ses 10 doigts, d'être sanctionné par un prof qui dit « tiens, c'est bien, on a des intervalles de tolérance quand on fait de l'ajustage et quand on a fait ça bien, on a un prof qui, on est valorisé ». Et cette valorisation, c'est une reprise de confiance. Je n'avais pas du tout les capacités pour faire le cursus classique. Et en fait, le cursus professionnel, le cursus de ses 10 doigts, m'a permis de revenir dans ce cursus-là. Je suis tellement convaincu. Et quand je vois qu'on repousse de plus en plus la scolarité, alors que les enfants aujourd'hui sont dans une maturité précoce, les enfants aujourd'hui, à 14 ans, moi j'étais puceau total, à 15 ans aussi et au-delà, aujourd'hui les enfants ont un épanouissement biologique, enfin sous-jacent. Immobiliser un garçon de 16 ans, ne faire que ça, sur son banc de classe, qui n'a pas de perspective. Celui qui est le bon élève. Souvent, le prof s'intéresse au bon élève parce qu'il est plus facile, quoi. Il est beaucoup plus compliqué d'aller chercher celui, réveiller à un moment donné quelque chose, la petite perle qui sommeille, le petit diamant, là, qui est terne au fond, là-bas, et qui s'est de toute façon ankylosé là-dedans. Moi, j'étais dyslexique. Je l'ai découvert avec mon fils. Parce et donc, qu'il l'est aussi. Eh oui, parce qu'il l'est aussi, ouais. Donc, la lecture, c'était terrible. J'ai du mal à lire. Et l'orthographe, c'était dramatique. Vous écrivez « Les livres me sont une blessure amoureuse ». J'adore les livres. J'adore mais la vous n'aimez pas lire et vous mais c'est mais pas vous que écrivez. J'aime pas. C'est une épreuve, la lecture. C'est une épreuve. Donc, je lis des trucs courts. Si vous aviez pu lire normalement, si j'ose dire, est-ce que vous auriez eu la même vie? Non. Je ne sais pas. Alors, c'est une chance pour alors vous, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une préprogrammation? Je ne sais pas. J'aurais certainement eu un autre cursus scolaire. Qui m'aurait. Donc certainement une autre vie. Donc certainement une autre vie, un cursus scolaire plus classique. Et il me semble une pensée douloureuse. Parce qu'en fait, j'aime la présence des. Et surtout quand j'entends. Vous, Étienne, vous êtes un lecteur. Vous animez, en plus de votre métier de physicien et de prof, une émission sur les livres. Et vous m'avez dit tout à l'heure, j'en ai lu deux et j'ai eu. Dans la journée. Hier soir. Mais moi, ça me rend un peu triste intérieurement, au sens où tout ce que vous avez appris dans la lecture de ces deux livres est retenu, et moi, je mets du temps. J'ai par contre du temps, et, quand je commence une lecture, souvent c'est une belle phrase qui m'amène ailleurs, et qui m'amène sur d'autres pensées. En fait, je navigue sur les livres, mais je ne les termine pas. Et vous en écrivez avec un style très particulier? qu'on retrouve. Et oui, j'ai pas livre, de style, sinon le mien, quoi. Hein. C'est déjà pas mal. Oui. En fait, je suis un bâtisseur. Et je bâtis les phrases quand j'adore écrire, par contre. J'ai jamais pensé que c'est je pouvais écrire. C'est un travail manuel. C'est un travail manuel. C'est de la construction manuelle. Il y a de la musique dans la phrase. Enfin, vous le savez, vous écrivez. Quand on a trouvé le mot juste qui donne le timbre à la phrase, c'est exactement comme on a réalisé une belle pièce, quoi, de ses 10 doigts. Et j'aime beaucoup écrire. Et même quand j'écris des textes sur les régions polaires ou sur des choses que j'ai vécues, l'intensité de l'émotion est plus forte. Parce que quand vous êtes sur le terrain, c'est tac, c'est passager, c'est court. Une course en montagne que vous avez faite, par exemple, si vous écrivez et qu'à un moment donné, vous avez trouvé un paysage, une difficulté, que vous entrez par l'écriture dans cette intensité, vous allez la revivre. Moi, je suis arrivé à pleurer en écrivant quelque chose que j'ai vécu où j'étais limite, quoi. Donc, en relisant ce que vous avez écrit. Oui, en écrivant. En écrivant et le relisant, quoi. Donc, j'invite tout le monde à entrer dans l'écriture, même s'il a eu des mauvaises notes à l'école, et pensant qu'il n'était pas fait pour ça. Parce que écrire une carte postale, mamie, c'est super, c'est génial, on est à la plage, on se baigne, bon, ça va. Mais si on essaye d'écrire quelque chose qu'on a senti, qu'on a vu, qui était beau, rechercher les mots pour découvrir, pour dire l'esthétique du lieu ou une émotion qu'on a vue en regardant une fille, un garçon, quelque chose. La recherche du mot juste, c'est une exploration qui est intéressante. Encore le mot exploration, expédition, presque. À propos de l'intelligence du fer, vous parlez aussi du rugby. Enfin, vous avez pratiqué le rugby jusqu'à un âge... Assez court, parce que junior B et junior A. Est-ce que l'intelligence de la main agit là aussi, évidemment? Oui. Mais oui. Pourquoi est-ce qu'elle est plus valorisée dans le sport que dans le travail manuel? Il y a des spectateurs dans le sport. Il y a une harmonisation, il y a des challenges. Il y a un suspense, il y a des chronomètres. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Le pianiste est un manuel. Le musicien est manuel. Jouer du saxo, courir sur les pédales du saxo, il faut être bon, il faut bouger ses 10 doigts. C'est pas valorisé. Et là, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui ont des soucis avec leurs enfants, n'hésitez pas à les orienter vers la formation professionnelle en seconde. Entrer dans quelque chose, dans du concret. On peut revenir dans la vie. Mais ce qu'on apprend, et je le souligne dans ce livre, 1515 Marignan. Qu'est-ce qu'on a à foutre, 1515 Marignan? C'est qui contre qui? Hein? C'est qui contre ni qui? Ni contre Marignan, ni 1515. Mais celui qui, à un moment donné, vous interroge sur 1515, qu'est-ce que ça vous dit? Si vous faites 16, si vous répondez Marignan 1615, vous avez zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle interrogation sur l'intelligence, votre capacité, quoi. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que la technique, par ces développements technologiques très intenses d'aujourd'hui, remette en cause le goût pour le travail manuel? Vous dites, vous aimez les voitures, ça j'ai compris, enfin, oui. Les vieilles surtout. Vous dites autrefois, les voitures étaient des écoles de mécanique ambulante. Ah oui. Aujourd'hui, elles parlent et on ne sait pas quoi leur répondre. Sauf la ferme. Sauf la ferme. Moi je, encore une fois, le travail manuel revient. Moi, j'ai acheté toutes mes voitures, des vieilles occasions, et je l'ai démonté, il y avait un problème. J'aimais le diagnostic déjà. Trouver le diagnostic, quand elle ne marche pas, il y a un truc, quoi. Et puis aller à la casse, chercher la pièce pour le remplacer. On pouvait soulever le capot, remplacer, démonter un moteur. Je savais le faire. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus. Et j'aimais l'esthétique des voitures anciennes, ces cabriolets, ces belles voitures. J'aimais ça. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Sauf ces vieilles voitures anglaises, là. Elles sont magnifiques, quoi. C'est de la vieille histoire. On sent que ça peut revenir quand même. Oui, un jour, peut-être quand je serai plus grand, je dis. Comment vous sentez-vous? Comment? Comment vous sentez-vous? Bien, t'attaques. Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non! La ferme! Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf! Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord. Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert! La ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. 90 ans. Alors, au pôle Nord, vous n'avez jamais eu d'accident de cheval? Ah non? Jamais! Vous avez fait naufrage. Et face à la mort, vous vous êtes bourré de whisky et vous êtes tombé dans la glycérine. Ah. Alors, il ne restait plus qu'à trouver de la glace. Pour le whisky? Mais non! C'est grâce à la glace, au whisky et à la glycérine que vous êtes encore parmi nous. Ah bon? Mais ne m'attrompez pas, gars, si y a des... Non! Foutez-moi le corps! Foutez-moi le corps, je vous supprime! Non, regardez pas là-haut! Jean-Louis Etienne, il m'arrive de pratiquer l'alpinisme et j'ai une terreur, c'est le froid. Quel est votre rapport au froid? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas aller au pôle sans aimer un peu le froid? Ah, alors l'alpinisme, c'est vrai que quand on est en relais sur une voie difficile où on passe 10-15 minutes à se cailler avec un vent, avec un vent dans la paroi où on ne peut pas se mettre à l'abri, c'est pas bon. Puis en plus, quand il faut repartir, si la voie est difficile, les premiers mètres sont durs. Les bivouacs sont des fois compliqués. Aimer le froid, c'est je ne crois pas qu'on aime le froid. Le froid rebute un peu, donc limite déjà la fréquentation. Ce sont des déserts, les régions polaires. Et je pense que je suis plus en quête de désert que de froid. On ne peut pas aimer le froid. On est encore chaud et très chaud. Nous sommes des bouillottes ambulantes. Exactement. 37 degrés. C'est chaud, 37. Par rapport à l'environnement. Et donc, mettez la main dans une eau à 37, vous allez voir, c'est chaud. Et cette température, il faut la conserver. Qui a calé le thermostat, ça on ne le sait pas, hein, mais il l'a calé très haut. Donc c'est une exigence énergétique importante. Et pourquoi on l'a mis si haut? Pourquoi il a été mis si haut, 37 degrés? Je ne sais pas, parce qu'on aurait pu s'accorder. Alors mon interrogation, c'est, est-ce que l'homme préhistorique avait cette température corporelle? Il vivait dehors, il n'avait aucun confort par rapport à nous, il avait des peaux de bête, il faisait du feu. Mais quand le feu s'arrêtait, je ne sais pas. Donc, il vivait en permanence au froid. Moi, j'ai fait un test sur moi. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le service de santé des armées qui m'a... j'ai fait un test. Je rentrais dans un caisson à plus 1 degré avec un petit vent, un ventilateur à 0,8 mètres seconde à poil pendant 2 heures. Plus 1 degré? À poil pendant 2 heures. C'est terrible. Celsius. Celsius, oui. On tremble, on pisse. Et trembler, ça réchauffe. C'est pour ça qu'on tremble. C'est pour ça qu'on tremble. C'est un moteur thermique, le tremblement. Le muscle est un moteur thermique. C'est-à-dire, votre voiture, quand vous roulez, elle a un mauvais rendement. Elle a un rendement de 25% à peu près, la voiture. C'est-à-dire, 25% est transformé en énergie mécanique, en déplacement, on va dire. Et le reste, c'est le déchet de combustion, c'est la chaleur. Et donc, il fait évacuer cette chaleur pour que le moteur soit performant. Le corps humain, c'est pareil. Il est aussi mauvais. Aussi mauvais. 25% à peu près, à quelques pourcentages près chez les bons. Mais aussi mauvais. Donc, il faut évacuer cette température. Bref, on est encore chaud. Parce que si la température centrale du corps baisse, les fonctions cognitives et autres s'arrêtent. Mais toute la biologie est calée à 37. Et donc, j'ai fait ce test. J'ai consommé beaucoup d'oxygène pour que mon corps reste à 37. Je suis resté 2 mois en température négative de l'environnement. Ça, c'est une autre expérience. Non, le pôle Nord, pardon. Oui. Non, avant de partir au pôle Nord, je suis dans le caisson. Avec le service de santé des armées, 2 heures dans une eau à 1 degré Celsius. Non, pas dans l'eau, dans une cabine. Ah, dans une cabine. Ouais, une cabine sur un lit. Parce que dans l'eau, ça doit être... Ah non, c'est encore pire. C'est pire. Puisque ça vous extrait encore plus de chaleur, quoi. Vous perdez une déperdition thermique plus importante. Dans ce caisson, à poil sur un lit de camp. 2 heures. Je suis parti au pôle Nord pendant 2 mois, entre moins 52 et moins 18. Ça, c'est la température extérieure que j'ai connue. J'ai refait le même test. Et là, on s'est rendu compte que tout de suite, ma température centrale était à 35,5. Donc, pendant les 2 heures, j'ai moins tremblé, j'ai moins consommé d'oxygène. Donc, le corps a eu cette intelligence d'aller vers l'économie d'énergie, à baisser le thermostat. Et donc, ce que j'ai évoqué récemment, est-ce que nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes n'avaient pas de confort thermique, avaient peut-être une température du corps à 27, 28 degrés, je ne sais pas. Et est-ce que ce réchauffement est lié, il y a un développement cérébral, on le voit, l'évolution des capacités cérébrales, de la performance intellectuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui agit sur le thermostat? Je ne sais pas, ça consomme beaucoup d'énergie, le cerveau. Vous êtes en train de dire que parallèlement au réchauffement climatique, il y aurait peut-être eu un réchauffement corporel? Je m'interroge parce que moi qui suis resté au froid, ma température centrale a baissé. Et il n'y a pas que moi. Les plongeuses qui plongent en Corée ou au Japon, qui vont chercher des perles, elles plongent toute la journée, même si l'eau est très froide, elles ont une température centrale à 33. Donc je pense que la confrontation avec le froid, exactement comme en très haute montagne, il y a une acclimatation à l'hypoxie, là il y a une acclimatation à l'hypothermie. Et je m'y suis... petit à petit, sans rien faire, quoi. Le corps a baissé le thermostat pour entrer dans une économie d'énergie. Donc ce sont des capacités que l'on a d'adaptation. C'est une acclimatation de type hypothermique. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que j'aime le froid? Non. On ne peut pas aimer le froid, on ne peut pas se cailler, on n'aime pas se cailler, quoi. Donc ça n'existe pas. Autre chose aussi, on me dit, mais au-delà de moins de 30... Vous ne l'aimez pas, mais vous ne le fuyez pas. Enfin, vous ne l'avez jamais fui. Il faut avoir quelque chose à y faire, déjà. Sinon, on n'a aucune raison d'être là. Ce sont des déserts. C'est un peu ça que j'étais chercher. Donc, je suis allé chercher le désert, mais je ne suis pas allé chercher le froid. Et le froid est cette composante essentielle du désert polaire. C'est lui qui en fait un désert. Exactement comme le désert chaud. Et je connaissais un peu Monod, on en avait des échanges. Et on Théodore disait, Monod. Théodore Monod, pardon, oui. Oui, Théodore. Mais il y a plusieurs Monod. Oui, je sais, oui. Théodore. Et Théodore fréquentait le Sahara, le désert chaud. Et Théodore Monod me dit, c'est vrai qu'on ne me dit jamais, vous allez dans le Sahara parce que vous aimez le chaud. Et moi, on me dit, vous avez au froid, ah, vous devez aimer, vous allez au pôle, donc vous devez aimer le froid. Non, on n'aime pas le froid. Il n'y a pas de symétrie entre le chaud et le froid. Non. Par contre, c'est plus facile de tenir au froid si on a de quoi se couvrir qu'au chaud. Parce que quand vous arrivez à une température extérieure au-delà de 37, si ça monte encore, vous allez entrer en hyperthermie. Et l'hyperthermie est difficile à récupérer. C'est pareil. Donc le corps est vraiment calé pour vivre. Toute notre biologie est calée pour vivre à 37. Mais vous avez vécu des expériences très difficiles dans vos expéditions. Est-ce qu'il y a des moments où les soucis physiques, le froid par exemple, ou la fatigue, conduisent à une forme de désespoir que le mental n'arrive pas à contrebalancer? Ah oui, oui. Je vous pose la question parce qu'il y a un très beau texte de Spinoza qui s'appelle « Que peut le corps ?» L'expérience, écrit-il, n'a jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la nature, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'esprit. Car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions. Et ce texte a été commenté par Deleuze, le philosophe, qui dit finalement ce que nous raconte Spinoza, c'est ce que peut ton corps. Ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. C'est-à-dire que le mental joue un rôle décisif selon qu'il est maître ou esclave du corps. Le pôle Nord, pour moi, c'est 70% dans la tête, 30% dans les jambes, ou dans le corps, on va dire, au sens large. Parce que... On marche avec la tête. On marche avec la tête, c'est elle qui commande. C'est mieux que de penser avec les pieds. Il faut regarder où on met ses pieds, par contre, quand on va au pôle Nord, parce que le danger, il est sous les pieds. C'est-à-dire que de temps en temps, vous êtes amené à passer sur des couches de glace fraîchement regelées, qui sont fines, hein, quand la banquise se casse. Ça libère tout d'un coup de l'eau libre, parce qu'on marche sur l'océan gelé. Donc cette eau libre regèle, et donc de temps en temps, la route est barrée par une glace qui est peu épaisse. Mais ça veut dire qu'il faut tout le temps être concentré. Ah oui, sur là où on met ses pieds. Tout en luttant contre le froid, etc. Est-ce qu'on peut ne pas se laisser distraire par une pensée parasite qui va retirer la concentration? Moi, je trouve que c'est l'esprit qui m'a toujours mené. J'ai eu des tentations d'abandon récurrentes, des fois plusieurs fois par jour. Et j'ai eu suffisamment de volonté pour résister à cette tentation d'abandon. Et la persévérance, pour moi, c'est ce que j'ai retenu, en fait. Parce que... Et puis, attends, je suis allé au pôle Nord seul, j'y suis pas allé pour être seul, hein, j'y suis allé pour être le seul. Donc, il y avait une ambition, quand même. Il y avait une ambition à atteindre ce pôle. Et c'est cette ambition d'aller au pôle Nord qui est érodée très vite par les conditions épouvantables. Camper par moins 52... C'est terrible. On est réveillé sans arrêt. Les matériaux changent de structure. Je savais que j'entrais en hypothermie à un moment donné. Mais bon, la médecine m'a formé à ça. Et je faisais des tables de multiplication pour savoir si ma conscience était bonne. Je me parlais jusqu'à ce que le jour revienne, que je puisse enfin prendre le petit déjeuner et repartir. Parce qu'à l'effort, on produit de la chaleur. Donc c'est pas un problème, même s'il fait moins 40 de marcher. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de délirer? Oui, il y a un risque de délirer. Ben, ceux qui meurent d'hypothermie commencent par une perte de conscience, peut-être qu'on délire. Hein. Moi, j'ai fait tout pour rester vigilant, avec des épreuves de la table de multiplication qu'on apprend. Alors, vous parlez de multiplication, justement. Ah oui. On va passer du coq à l'âne, enfin presque. Il y a une page dans votre livre, la page 150, que j'ai lue en rigolant tout seul. Vous racontez votre rencontre avec Laurent Laforgue, oui, mathématicien. Lauréat de la médaille Fields, oui. L'équivalent du prix Nobel en mathématiques, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et vous lui dites, pour quelle découverte avez-vous reçu la médaille Fields? Il répond, j'ai commencé à travailler sur les Deschutes de Drinfeld à partir de 1993. Mon directeur de thèse m'a encouragé dans cette voie, et en 1995, j'ai pu démontrer un résultat proche de la conjecture de Ramanujan-Peterson, puis en 2000, la correspondance de Langlands et la conjecture RP complète. Voilà ce qu'il répond. Et là, vous lui dites, je comprends que c'est vraiment réservé à une poignée d'initiés. Et là, il répond, oh, vous savez, moi aussi, au début de mon travail sur les Stukas, je ne comprenais pas vraiment ce qu'était la correspondance de Langlands. Et au fil des années, je me suis rendu compte que cet énoncé correspondait à ce que je pouvais le plus aimer en mathématiques, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Totalement hermétique. Hermétique, mais il y a un très bon article de Laurent Laforgue que vous trouvez sur Internet, qui s'intitule « Stukas et programmes de Langlands pour les corps de fonction », qui se termine par un hommage à Grothendieck, Alexandre Grothendieck, oui. Le grand mathématicien. Grand mathématicien. Enfin, il y a 20 pages. Moi, j'étais très impressionné quand il m'a raconté cette exploration mathématique. C'est de l'exploration. Oui, ensuite, vous comparez d'ailleurs le travail de mathématicien à l'alpinisme. Ah, mais faut trouver des voies. Une fois qu'elles sont trouvées, c'est plus facile, mais il faut quand même les trouver. Mais non, mais à un moment donné, j'ai compris que... vous connaissez ça parfaitement, Étienne, vous êtes un physicien, mais excellent mathématicien. Vous savez ce que c'est que l'exploration mathématique. C'est-à-dire, on entre dans quelque chose que l'on suppose, dont il faut trouver la voie. Et donc, je l'ai comparé à une voie ED extrêmement difficile et au-delà, où le premier de cordée, qui est le mathématicien, s'engage pour trouver le passage. Et ce qu'il me décrit, Laforgue, je comprends qu'il a besoin de quelqu'un derrière, son prof de maths sup ou autre qui l'accompagne, comme le second de cordée qui va l'aider à revenir au point de départ si jamais il n'arrive pas à trouver. Ça m'a paru une exploration dangereuse parce qu'on peut se perdre dans son cerveau. C'est ce sentiment que j'ai eu quand il m'a parlé des mathématiques, quoi. Et en plus, je l'enviais un peu parce que c'est quelque chose que l'on peut faire chez soi, enfin chez soi ou à la fac. Il y a très peu de secondes de cordée qui peuvent fuir, en fait. J'ai compris ça. La solitude doit être terrible. La solitude est terrible. Moi, j'ai un copain qui anime un club de mathématiques où il y a quelques mathématiciens performants et je lui ai dit que j'avais vu Laforgue. J'ai dit, tu veux que je lui parle de venir au... Il me dit, c'est pas la peine de le venir. On comprendra rien. Il y a une poignée de gens et j'ai compris ce qu'il m'a expliqué. Et d'ailleurs, il dit que le travail sur lequel il travaille à l'heure actuelle, il croit être le seul au monde à travailler dans cette voie-là. C'est une solitude terrible. Page qui m'a ravi, mais il y en a beaucoup en fait, hein, mais celle où vous parlez du Fernet Branca. Je ne sais pas si on a le droit de faire la publicité à la radio. Pour on ne va pas faire la publicité. L'alcool de plante. On va prendre ça comme un médicament. Appelons-la, je ne sais pas, la potion magique. La potion magique, oui. Quel usage en faites-vous, ou en faites-vous, je ne sais pas si c'est une pratique. Alors d'abord, c'est un peu historique, c'est mon histoire. Moi, je suis d'origine italienne, mais mon grand-parent était italien, maçon. Et donc, les Italiens ont toujours cette bouteille à la maison. On en trouve dans les bars. Elle est en général tout à fait en haut, pleine de poussière, parce que personne ne le demande. Avec une belle étiquette. Oui, et donc, c'est fait de plantes. Et ça a une multitude de vertus. Vous voyez, je me souviens une fois, j'étais parti naviguer dans le golfe de Gascogne avec le père Jaouen. Et j'avais un mal de mer. J'étais le médecin et j'étais le plus malade, je crois. Il y avait un Danois qui était à bord. Et il me dit, goûte ça. Il me dit, soit ça part par le haut, soit par le bas. Et ça m'a fait du bien. Et donc, j'avais toujours cette potion magique, on va dire, pour pas trop en parler. Mais ça fait tout. Bon, je pourrais raconter des expériences analogues, mais c'est pas moi l'invité, donc. Bon, est-ce que ça vous choque, Jean-Louis Etienne, si je dis que vous avez dépassé l'âge de la retraite? Vous avez bientôt 70 ans. Oui, j'ai dépassé la retraite. Vous auriez droit à vos annuités, mais j'ai cru comprendre que vous préférez vos inuités, si je veux dire. J'ai dépassé l'âge de la retraite administrative. Mais est-ce que c'est ça qui sonne l'âge de la retraite dans la vie? Non. Je sais bien que non. Bien sûr que non. Et en fait, je vois les retraités qui sont dépourvus quand la retraite fut venue, qui dépriment, en fait, quoi. Ce manque de stimulation. Et donc, moi, j'ai une vie inventée. Inventer sa vie, c'était ma première définition de l'aventure. Qu'est-ce que c'est l'aventure? C'est inventer sa vie, c'est aller dans des zones que l'on ne connaît pas de soi, être attiré par quelque chose. Donc la retraite, c'est administrativement passé, mais j'ai toujours des projets. J'ai l'impression... Vous avez un gros projet là, c'est PolarPod. Alors PolarPod, ça c'est un projet sur lequel je travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant. C'est un navire vertical, C'est-à-dire, c'est un grand flotteur qui a 80 mètres de tirant d'eau. On habite à 20 mètres, 15 mètres au-dessus de l'eau. C'est pour étudier l'océan austral, l'océan qui entoure l'Antarctique. Là, on était au pôle Nord tout à l'heure, là, on est au pôle Sud, l'Antarctique. L'Antarctique est un continent de glace. C'est grand comme 28 France, couvert de 2,5 km de glace, d'épaisseur moyenne. C'est autre chose que la banquise. C'est autre chose que la banquise. Et il y a un océan qui tourne autour, les 40e, 50e hurlants. C'est au courant de transmission entre les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique. Et c'est loin, difficile d'accès, coûteux pour les océanographes. Et malgré les satellites, malgré les animaux instrumentés, les publications se terminent, on a besoin de mesurer in situ. Donc c'était ça qui m'a... Quel type de vaisseau on peut inventer pour rester dans les 50e hurlants, dans des bonnes conditions de confort, de sécurité, pouvoir travailler? Mais c'est un projet incroyable. J'ai regardé des documents, je vous ai entendu déjà en parler. Ça me paraît monstrueux. Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser des chercheurs, des industriels, des... Oui, ça a commencé par la mobilisation des chercheurs. J'ai dit, ça vous intéresse de séjourner sur l'océan austral? Oui, mais bon, c'est possible. Donc, avec un bureau d'études qui est à Lorient, Chip ST, là, un type intelligent, créateur, créatif, qui a fait des écoles d'ingénieurs, mais il a cette force, c'est-à-dire, il dépasse la frontière où vous amène l'expert. Vous voyez le... Il va plus loin que l'expert. Il va plus loin que l'expert. L'expert s'arrête à la frontière du connu. En disant c'est impossible. Au-delà, c'est de l'exploration, c'est de l'aventure. Et il faut trouver de temps en temps un bureau d'études qui vous dit je vous accompagne au-delà de cette frontière. Et donc on a créé le PolarPod, ce vaisseau qui va... Et donc on a fait des essais, des études en bassin sur des maquettes. Et j'ai présenté ce projet, donc j'ai habité aux États-Unis où le projet... C'est bâti beaucoup aux États-Unis. Il y a un navire ancien comme ça qui y ressemble. Et donc, j'ai présenté ce projet à des universités aux États-Unis. J'ai été invité au Scripps, MIT, Georgia Tech, Caltech. J'ai présenté ce projet. Et donc, j'ai reçu beaucoup de lettres d'intérêt. Et je suis revenu en France. Pareil, beaucoup de lettres d'intérêt de l'IFREMER, de tous les chercheurs du CNRS, de l'IDSU. Donc, j'ai vraiment un paquet de lettres d'intérêt. Et là-dessus, a commencé à se monter ce projet, à la fois technologique, d'abord, pour valider que c'était possible, et ensuite scientifique. Donc, si j'ai bien compris, c'est une sorte de tube vertical. C'est un tube. Et oui. Qui va être insensible à la houle, quasiment. Exactement. Qui va dériver selon le courant circumpolaire. Voilà. Il est très stable dans sa verticalité, et beaucoup plus confortable qu'un bateau. Et c'est le courant qui va l'entraîner. On va faire le tour, on va étudier cette zone-là. On va être autonome en énergie, avec 4 éoliennes. Il y a du vent tout le temps, là-bas. Ah, ça, c'est sûr. Et... Ça va durer 2 ans, le tour, d'après les simulations. Il y a 3 marins, 4 chercheurs, scientifiques. Mais il y aura des renouvellements d'équipage. Ah oui, tous les 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Voilà, donc c'est... On peut se porter candidat? Enfin, je peux me porter candidat. Bien sûr, Étienne. Bien sûr. Il y a 3 types de personnes. Il y a 2 types de personnes. Il y a les marins et puis les chercheurs. Il faut, un peu comme la station spatiale qui tourne autour, ce sont des gens qui sont habitués à manipuler les ciborées de capteurs. Il y a 51 institutions, laboratoires qui ont répondu. C'est truffé de capteurs. Et donc, on va envoyer la donnée aux chercheurs qui sont à terre. Donc, c'est une plateforme d'acquisition de données. Il y a 4 domaines d'études. Échange atmosphère-océan. C'est le principal puits de carbone océanique de la Terre. C'est un acteur du climat important de par sa capacité à absorber le CO2 et c'est un moteur de la circulation océanique. Ensuite, deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. On va faire de l'acoustique, on va écouter. Et on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Parce que le tube, il va jusqu'à 80 mètres sous l'eau. Mais là, on n'habite pas, nous, sous l'eau. Il n'y a rien sous l'eau. C'est un flotteur. Mais par contre, on met des hydrophones. On écoute, entre autres. Et on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc, juste par écoute, on dit, tiens, il y a du krill, tiens, il y a une baleine bleue, tiens, il y a un orque, tiens, il y a un éléphant de mer. Et on pourrait découvrir de nouvelles espèces? Des nouveaux sons. Des nouveaux sons, donc ouais. Peut-être de nouvelles espèces. Et alors, on va essayer de filmer le calamar colossal. C'est le colossal qui est autour de l'Antarctique. Le troisième sujet, c'est la validation des mesures satellites. Les satellites sont les grands observateurs de la Terre aujourd'hui, bien sûr, mais on a toujours besoin de valider la mesure au sol. Et le quatrième, c'est microplastiques et contaminants. Sont-ils arrivés jusque là-bas? Ça, c'est une interrogation. Les plastiques et les contaminants, oui. Est-ce qu'ils ont passé le front polaire? Le front polaire, c'est une espèce de barrière entre les eaux subtropicales. Mais ça serait une très mauvaise nouvelle. Oui. Mais vous savez, les océans polaires, quand vous les regardez, sont une grande pureté. Quoi, hein. Si on rechange d'hémisphère, on passe dans le nord, l'Arctique, l'océan Arctique, canalise en fait les grands fleuves qui traversent la Russie. Il y a des précipitations d'air froid qui amènent toutes des molécules chimiques indésirables, qu'on retrouve en faisant des biopsies la graisse du phoque, dans la graisse de l'ours. Donc on est encombré par une pollution chimique microscopique déjà. Même si loin, on verra. Enfin, je dois vous dire, Jean-Louis, que je suis admiratif de cette capacité que vous avez non seulement de forger des projets pour vous-même, mais d'entraîner dans votre sillage une multitude d'acteurs enthousiastes. C'est de l'aventure, c'est de l'expédition, vous le dites. Alors que l'époque n'est pas trop à l'expédition, me semble-t-il. Non, l'époque peut-être... C'est même de plus en plus difficile de penser à des expéditions. Penser à des expéditions, les financer. C'est le financement qui est toujours difficile, quoi, mais ça date depuis toujours. Quoi, hein. La capacité que vous soulignez là, d'entraîner, c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Et, en fait, j'ai une tentation pédagogique constante. Je le sens. J'aime expliquer. Et pour expliquer, il faut comprendre. Et en fait, chercher à comprendre, c'est trouver... Et pour comprendre, peut-être qu'il faut vouloir expliquer. Les deux, ça marche ensemble. Tout à fait. Et vouloir expliquer sans dénaturer un propos complexe, par exemple, ça veut dire que vous devez le travailler. Et donc, je me cultive, je lis beaucoup de sciences, je suis curieux, quoi. Hein. Et pour essayer en quelques phrases de résumer quelque chose et qui donne envie à l'autre de vous écouter. C'est ça, en fait. Le principe même du pédagogue, c'est donner envie à l'autre de continuer à vous écouter sans le perdre. Et le choix des mots justes, effectivement, je l'ai travaillé. Et quand j'ai envie de quelque chose, de monter ce projet-là, les mots aujourd'hui me viennent plus facilement pour essayer d'amener avec moi... Donc c'est ça qui apporte l'envie, la cohésion, le fait qu'on vous suive ? Oui, on me suit aujourd'hui plus facilement. Puis avec l'âge, j'ai atteint une crédibilité dans la succession des choses que j'ai réussi à faire. Mais la pédagogie aujourd'hui, elle disparaît un petit peu sous l'avalanche de connaissances que l'on a à transmettre. La pédagogie doit être quelque chose qui ouvre une fenêtre, une porte, la porte de votre curiosité vers autre chose, quoi. L'individu, il doit s'engager derrière le pédagogue qui lui a ouvert une voie, qui lui a donné envie d'aller au-delà, quoi. Et je trouve qu'on est assailli, enfin les étudiants, et d'une manière générale, et toutes les informations qui nous arrivent, on est assailli d'informations, et en fait on a du mal à trier. Du mal à trier pour ce que les jeunes vont faire de leur vie, parce que personne ne peut leur dire quel sera le métier de demain. On voit des tendances, quoi. Et donc la notion de curiosité, de mobilité est fondamentale, quoi. Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein. Louis-Étienne, est-ce que vous intéressez aux primaires ? Je parle des élections primaires de gauche et de droite désigner un candidat à l'élection. Non, c'est devenu une épreuve sportive où chacun se traque à la culotte. Quand il y en a un qui sort un truc, tout le monde s'engouffre derrière pour dire qu'il a raison ou tort. Et il n'y a pas beaucoup d'idées qui donnent envie, en fait, quoi. Je trouve qu'ils sont enfoncés, ils sont anéantis sous l'info. Et donc réagissent par rapport à l'info. Au présent, ça manque tellement de perspectives. Donc, et ce que je répète tout le temps, de donner envie, de dire, attendez, on va... Bon, c'est sûr que Kennedy a eu la chance à un moment donné d'être en situation de pouvoir dire, on va aller sur la Lune. C'est génial. Parce que tout ce qu'il y a derrière qui se met en route, hein, là, je vois qu'aujourd'hui, il y a un projet à l'ESA d'avoir le village lunaire. C'est une utopie... Mais en même temps, ce que ça peut générer de créativité... Et de sortie de soi. De sortie de soi. Ben, la sortie de soi, c'est fondamental. Aller au-delà de ses peurs, parce que la peur, c'est ce qu'on porte en soi, en fait, quoi. C'est la crainte. on connaît, la vie est une quantité finie, on sait qu'à un moment donné ça va s'arrêter, on sait que sur le chemin on peut avoir des parcours difficiles, mais en même temps elle est finie, on sait qu'on a une vie à vivre. Elle est d'extension finie. Elle est d'extension finie. Mais elle n'est pas encore terminée. Donc attends, il ne faut louper aucune occasion. C'est ça qui est intéressant, quoi. Il faut s'accorder sa liberté, encore une fois, d'inventer sa vie. C'est ça qui est intéressant. Liberté, c'est un mot qui revient presque ah ben oui. Mais la dans liberté, chaque chapitre de votre livre. Étienne, la liberté, on entend souvent, je veux la liberté, je sais pas. La liberté, ça ne se gagne pas sur les autres. Elle se gagne sur soi, sur sa volonté, sa capacité à un moment donné, son audace d'aller au-delà de ce qu'on pensait pouvoir être capable. Et on découvre en s'engageant que, en fait, cette notion de repousser les limites, je l'aime pas, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On découvre des choses que l'on n'était pas inconnues de soi, qu'on n'était pas, parce qu'on ne les avait pas exercées, en fait, quoi. On a des capacités incroyables, on utilise tellement peu. Je voulais vous faire réagir, Jean-Louis Etienne, on a cité Paul Valéry, Spinoza, c'est pas mal, mais aussi Albert Einstein. Ah. Albert Einstein a dit un jour, je n'ai jamais considéré le plaisir et le bonheur comme une fin en soi, et j'abandonne ce type de jouissance aux individus réduits à des instincts de groupe. Le plaisir et le bonheur. Le bonheur. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Le bonheur, alors, c'est un peu abstrait pour moi. Être heureux, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que je ressens quand je suis heureux. Et disons que le bonheur, c'est essayer d'aller vers cette tendance où on a des occasions d'être heureux. Être heureux, ça correspond à quelque chose que l'on ressent, quand on nifle, je ne sais pas, un truc qui est là, et on le prend dans une dilatation, dans quelque chose qui fait que moi j'ai une expression où toutes les cellules de votre corps sont heureuses. Cette espèce de moment magique où tout d'un coup, on a devant un paysage, devant une phrase que vous citez qui correspond, qui vous apaise tout d'un coup, Christian Bobin qui dit une phrase qui m'a rendu heureux à un moment donné, qui dit « Il y a dans le ciel, pour chacun d'entre nous, une étoile, suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne l'atteignent jamais. » Cette espèce d'étoile que chacun a, où on se dit des fois « j'ai fait une connerie, j'ai dit ce truc, j'aurais jamais dû le dire, on est mal à l'aise avec ce qu'on a fait. » Mais l'étoile ne l'a pas entendu. L'étoile ne l'a pas entendu. Et voilà, ce sont ces petits moments de bonheur que je m'octroie de temps en temps. Il y a une phrase dans votre livre qui m'a surpris, vous dites « vous êtes un homme de défi ». Je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde le savait déjà. Vous dites « aimer est mon ultime défi ». Oui. Toutes les femmes avec qui j'ai vécu, j'ai ouvert mon cœur, mais pas mon existence, en fait. Il faut dire que vous êtes difficile à suivre. Oui, et puis j'ai la tête là-bas. J'ai la tête là-bas. Et donc l'ultime défi, c'est d'être là, présent, 100% avec tout ce que je peux offrir et ma présence et les perspectives avec l'autre. Et ça marche avec ma notion du paradis. Le voyageur que je suis, mon idée du paradis, c'est le lieu qui va venir peut-être de cette rencontre magique où je me dis, c'est là. Et je n'aurai plus envie d'aller ailleurs. Merci Jean-Louis Etienne, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été présent pendant une heure. Enfin, j'ai senti que vous étiez présent, peut-être que votre tête était ailleurs. Mais ah non, j'étais présent, Etienne. Senti... Alors c'était donc la conversation scientifique par Etienne Klein avec Jean-Louis Etienne, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac.